Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Margot Dufaux. Bonjour Julien Vidal, ça va ? Oui, ça va très bien. Je suis très content de te recevoir dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Et d'ailleurs, au passage, pour ce premier épisode de l'année 2021, je suis très heureux de vous annoncer que le podcast 2030 Glorieuse se donne les moyens de ses ambitions en nouant un partenariat avec la NEF. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologique et culturelle, et c'est donc tout à fait cohérent qu'elle soutienne ce podcast qui met en avant celles et ceux qui construisent les mondes de demain. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous allons parler du projet que tu as fondé, Les Astroliens. C'est une aventure intergénérationnelle qui fait explorer la planète numérique aux personnes âgées. Plus largement, nous parlerons de l'inclusion, de la transmission des savoirs et de la place de la technologie dans la société de demain. Pour lancer, Margot, cette conversation, je commence toujours par poser la même question. Qu'est-ce que tu réponds aux gens que tu rencontres pour la première fois et qui te demandent « Ah, mais Margot, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Eh bien, je leur dis que je suis directrice d'une association et qu'on accompagne les plus de 60 ans à explorer les mondes du numérique. Après, pour selon les personnes et selon le contexte, j'aime bien aussi parler d'autres choses que de ma vie professionnelle. Donc, selon les cas, je peux leur parler du fait que je fais du théâtre d'improvisation, que j'aime tirer les cartes, que j'ai deux petits frères qui sont trop chouettes. Voilà, ça dépend des personnes avec qui j'échange. Non, mais ta réponse, elle est révélatrice des biais de notre société, puisque souvent, en fait, quand on pose cette question, qu'est-ce que tu fais dans la vie, on s'attend à une réponse qui va forcément aborder notre vie professionnelle. Et comme tu le dis très bien, notre vie est bien plus complexe que la vie professionnelle. Et c'est aussi ça qui m'intéresse, même si je considère dans ce podcast, et c'est l'exercice que je fais à chaque fois avec mes invités, que notre existence professionnelle est déterminante dans notre existence sociale. Elle nous détermine, elle nous donne une identité et donc une appartenance. Et ouvrir, comme on le fait et comme on va le faire aujourd'hui, des perspectives enthousiasmantes avec des métiers peu connus, ça permet aussi de se projeter dans ces utopies réalistes plutôt que de se laisser enfermer en fait dans un métier qui nous plaît plus et dont on n'arrive pas à se défaire parce qu'on n'arrive pas à imaginer ce qu'on pourrait faire d'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement, je suis super d'accord avec toi. Je pense que c'est important de faire découvrir d'autres métiers que ceux dont on a l'habitude d'entendre parler. Moi, je sais que quand j'étais petite, mes deux parents portent l'uniforme et c'est vrai qu'autour de moi, il y avait peu de représentations de ce que ça pouvait être des métiers d'adultes. Et sorti d'un métier de boulanger, des métiers qu'on pouvait voir autour de nous, d'instituteur et tout ça. J'avais du mal à me projeter dans qu'est-ce que ça peut être le quotidien d'adultes qui travaillent. Du coup, je pense que c'est très important de faire cet effort-là de sensibiliser sur les différents métiers qui existent et en plus des métiers qui essayent de promouvoir quelque chose de positif. Et donc toi, tu t'es carrément créé ton métier en fait, en fondant les Astroliens, parce que tu dis je suis fondatrice d'une association. Pour moi, je suis désolé, hein, c'est pas un métier. Le métier, c'est concrètement ce que tu fais là actuellement dans la création de liens intergénérationnels, dans la mise à niveau d'une partie de la population vers les outils numériques. Tu vois ce que je veux dire ? À mon avis, ton métier, il est plutôt là. Comment tu le décrirais vraiment autre que fondatrice des Astroliens, alors, ce métier ? Eh bien, enfin, vraiment, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, mon quotidien, si c'est de ça qu'il est question, ça recoupe à la fois le fait d'échanger avec des seniors, d'échanger avec des bénévoles, de faire de la mise en relation, de faire monter en compétences des gens, de trouver des gens qui croient dans le projet et qui ont envie de s'impliquer dedans, que ce soit au niveau du temps qu'ils passent pour rejoindre l'équipe, au niveau de l'argent qui permet de faire vivre le projet. C'est le quotidien, c'est ça. Après, moi, à mon niveau, je dirais que peut-être pour prendre un peu de recul sur, comme je te disais, par rapport aux opportunités professionnelles qui existaient, à moi, ce que je voyais dans le paysage, je voyais pas vraiment quelque chose qui résonnait avec mes sensibilités profondes. J'ai la chance de pas avoir par exemple de gros emprunts à rembourser sur du très court terme ou d'être dans une situation de grande précarité, donc j'ai pu aussi me dédier du temps pour réfléchir à des alternatives pour créer ce projet-là. Ça m'a demandé pas mal de ressources de temps et d'énergie. J'ai travaillé en parallèle pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir manger. Et puis le reste du temps, j'essayais de faire des tests sur qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas, qu'est-ce qui manquait dans le paysage, où est-ce qu'on pouvait intervenir, qu'est-ce qu'on pouvait créer comme format, de quoi est-ce qu'il y avait vraiment besoin sur le terrain. Donc j'avais beaucoup de curiosité pour essayer de trouver un maillon qui soit à la fois manquant, on va dire, dans le sens où j'avais pas envie de recréer quelque chose qui existait déjà, mais j'avais surtout envie de trouver des manières de faire, de rendre visible tout ce qui était déjà existant et d'améliorer ce qui était déjà fait, donc pour les seniors, pour faciliter le bénévolat aussi, parce que je trouvais que c'était pas si simple que ça de s'engager quand on n'avait pas non plus trop d'idées de ce qu'on pouvait faire et qu'on avait envie de se rendre utile. Voilà, je sais pas si ça répond un peu plus à ta question, mais... Si, tout à fait. Et ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que travailler avec les seniors au numérique, c'est quand même quelque chose de pas commun, non ? Alors non, c'est pas commun. C'est une question que j'ai beaucoup eue à un moment donné, alors de la part des seniors, de me dire « Mais qu'est-ce que vous venez faire avec des vieux croutons comme nous ?» Vous êtes jeune, on ne devrait pas être votre priorité. Ça questionnait beaucoup parce que quand j'ai démarré les Astroliens, du coup, j'avais 24 ans. Et c'est vrai qu'il y avait un gros décalage générationnel. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de figures de seniors très positives autour de moi quand j'ai grandi. Ma grand-mère, du côté de mon père, a deux sœurs et elle avait une mère qui était très présente tous avec leur mari et tout ça. Puis les grands-parents de l'autre côté de ma famille. Enfin, j'ai eu beaucoup de seniors très dynamiques autour de moi pendant longtemps. Et en travaillant dans des maisons de retraite, je me suis rendu compte que être dynamique, c'était pas qu'une question de personnalité, c'était beaucoup une question d'entourage et de stimulation. Et de possibilités qui nous étaient données aussi de rester dynamique, en fait. Et donc, moi, j'ai vu dans le numérique, parce que je me trouve moi-même assez curieuse, mais j'aime bien chercher un petit peu les innovations, comprendre à quoi ça sert, comment ça marche. Et donc, assez vite, j'ai perçu le fait que le numérique permettait, pour nous, hein, nos générations, ça nous permet de continuer de développer des projets, d'aller vite, de faire les choses par nous-mêmes. Enfin, quand on y réfléchit, par exemple, moi, à mon échelle, monter les Astroliens il y a peut-être une quinzaine d'années, ça aurait été beaucoup plus difficile parce qu'il aurait fallu, dès le début, trouver des gens pour pour m'aider pour plein de choses. Sans le numérique derrière, faire des projets, il fallait avoir beaucoup d'investissements pour composer une équipe et faire en sorte que les choses démarrent. Donc, assez rapidement, je me suis dit, mais les seniors aussi, ils ont plein de projets auxquels ils ont envie de participer, qu'ils ont envie de continuer. Ne serait-ce qu'échanger avec ses proches, c'est déjà un projet en soi. Quand on a des difficultés pour écrire une lettre parce qu'on n'arrive plus à tenir un stylo, tout devient vite une aventure, et c'est des aventures qui méritent d'être vécues aussi longtemps que possible. C'est ça la richesse d'être un être humain, je trouve. Et tu dis, les seniors, quand tu rentres en maison de retraite, te disent « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Moi, je pense à l'inverse. La société, ton entourage qui te dit « mais qu'est-ce que tu vas t'embêter avec les seniors ?» qui, je trouve, de mon point de vue, et j'espère me tromper, ont une image qui me semble être de plus en plus négative, non ? Ah bah oui, bah on en a entendu parler avec OK Boomer. Enfin, il y a vraiment ce conflit intergénérationnel très fort qui, au-delà d'être un poids pour la société, moi j'ai même l'impression que parfois il y a un peu d'aversion. Hein. Et en même temps, il y a une tendresse que moi je ressens beaucoup avec nos bénévoles. Tu vois, ils ont entre 16 et 30 ans pour la majorité d'entre eux. Et il y a une vraie envie d'échanger avec des personnes plus âgées qui ont vécu autre chose, qui partagent leur histoire. Donc, c'est difficile de savoir, dans notre économie actuelle, on est quand même dans une économie capitaliste, on a tendance à vouloir mettre de la valeur sur chaque chose et à donner de l'utilité à chaque chose. Et on est très gêné par la question des seniors parce que c'est quoi leur utilité? Qu'est-ce qu'ils apportent à notre société, quelle est leur valeur ajoutée, c'est plus difficile à mesurer parce qu'on est sur quelque chose d'un peu impalpable, voire d'immesurable. C'est quoi la valeur d'une vie? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que tu vois? Je trouve que c'est très intéressant et en même temps, oui, du coup, ça, les gens ne voient pas tout de suite l'intérêt. Non, mais Margot, tu rentres, enfin en tout cas, tu touches du doigt exactement ce pourquoi j'étais très très heureux de te donner la parole. Pour avoir vécu dans des sociétés radicalement différentes de la nôtre, je pense notamment à la Colombie et les Philippines, j'ai découvert là-bas qu'on pouvait donner une autre place aux personnes âgées. Et en voyant que dans des pays comme ceux-ci, les grands-parents, ils étaient au sein du foyer avec une utilité parce que, en fait, ils prenaient vachement de place dans l'éducation des enfants, par exemple, dans l'organisation du foyer, dans la préparation de la nourriture, mais aussi la transmission des traditions, du lien à certains loisirs, etc., etc. Ça m'a montré assez cruellement la réalité à laquelle j'étais confronté dans ma relation au seigneur. J'ai toujours eu une super belle relation avec mes grands-parents, mais que j'ai vu vieillir et que j'ai vu passer dans des maisons de retraite avec, pour moi, une période très difficile à accepter. Et donc, là, et c'est pour ça que j'étais encore une fois très très content de te donner la parole, la mission des Astroliens, en fait, elle prend le prétexte, je te le dis comme ça, dis-moi si je me trompe, mais elle prend le prétexte du numérique pour recréer ce lien intergénérationnel et montrer l'utilité des seniors. Et je pense que même en menant vos activités, vous vous rendez compte que l'échange de savoir, il ne se fait pas que dans un sens, en fait. Hein. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est tellement... en plus, nous, on a nos activités sur Paris. Si tu veux, c'est encore autre chose. C'est que dans Paris, les gens échangent très peu avec des gens qui sont différents d'eux. On a tous un petit peu nos petites boîtes. Et les boîtes, il y a peu de passages qui transversent. C'est hyper riche, en fait, ces échanges avec les Astroliens, parce que c'est des gens qui viennent de plein de milieux différents, de plein d'âges différents, qui se rencontrent. Et le numérique, finalement, c'est un médium, c'est-à-dire que c'est un outil qui est posé entre deux, voire trois personnes parfois, et qui permet d'échanger. Et en fait, on a des échanges qui se créent autour de cet outil-là, mais l'outil Il est là que pour porter les personnalités et le dialogue. Et tu vois, du coup, on a des projets qui se créent selon la personnalité des gens. Évidemment, même faire une recherche Internet, il n'y a rien de plus anodin. Et pourtant, si on regarde nos historiques, je pense que de navigation, je veux dire, c'est tellement révélateur de ce qui nous intéresse chacun. Donc, même les recherches qu'on va faire sur Internet, elles amènent à la discussion, elles amènent à du dialogue, évidemment, puisque du coup, on part de ce qui intéresse les gens. Donc voilà, ça permet de créer des discussions qui n'auraient jamais eu lieu entre des personnes qui se seraient jamais rencontrées. Et du coup, on mesure aussi dans ces moments-là toute la richesse d'avoir des profils d'âge, des profils de situations complètement différentes. Tu ne nous as pas encore parlé des activités concrètes que vous menez avec les Astroliens. Je ne t'ai pas posé la question, en fait, hein, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je sais que vous animez des ateliers, je sais que vous avez même des suivis individuels. Tu nous racontes un peu à quoi ça ressemble? Oui, alors... la méthodologie qu'on a mis en place pour l'accompagnement numérique, elle est très basée sur la personne qui est accompagnée. Donc, on a essayé de rendre ces accompagnements accessibles sous toutes les formes, c'est-à-dire que en termes d'accessibilité, il y a la question financière, évidemment. Donc, il fallait que ce soit pas cher, d'où la mobilisation de bénévoles. Nous, on forme et on met en place des endroits où on accueille les seniors qui veulent progresser dans leur utilisation du numérique. Ils rencontrent à chaque fois un bénévole. Le bénévole les accompagne sur l'identification de leur niveau de départ du numérique et puis sur leurs envies de progression, s'ils les connaissent déjà. S'ils ne les connaissent pas, on part plutôt sur un profil. On va expérimenter différentes choses pour voir ce qui peut leur être utile. Dans les endroits où on accueille les personnes, on est à la fois sur du collectif, on a en simultané à peu près 3 seniors qui sont accompagnés, mais chacun par un bénévole, donc ça nous fait un groupe de 6. Et chacun des 3 binômes, du coup, voit des sujets qui lui sont propres et qui vont dépendre des envies de la personne accompagnée ou de ses besoins. On va aussi essayer d'utiliser, toujours par souci d'accessibilité, du matériel qui corresponde aux besoins et envies de la personne, à savoir que si la personne elle a déjà un smartphone, on va privilégier le fait de la faire monter en compétence sur l'utilisation de son smartphone plutôt que de lui faire utiliser d'autres outils. Et si elle a envie d'acheter du matériel ou de découvrir du nouveau matériel, on va essayer de lui faire tester différents outils qui correspondent, selon nous, le mieux possible aux envies de la personne et à ce qui va pouvoir lui être utile. Par exemple, si on a quelqu'un, pour donner des exemples un peu plus concrets, qui aurait envie de transmettre ses mémoires, il va nous falloir un clavier qui soit confortable pour qu'il puisse bien écrire. Donc, on va peut-être plutôt s'orienter vers un ordinateur. Alors que si on a quelqu'un qui veut dans son quotidien échanger avec ses petits-enfants, envoyer des photos, on va plutôt aller vers des applications comme WhatsApp qui fonctionne très bien pour les échanges familiaux, donc sur du tactile, parfois sur du smartphone, parfois sur de la tablette, peut rentrer en question les troubles de la vision si jamais la personne elle en a, ou alors la possibilité de manipuler, la lourdeur du matériel, voilà, on prend toutes ces choses-là en considération. Chaque senior est accompagné pendant au moins 7 séances s'il rejoint l'association. Donc les séances sont individualisées avec à chaque fois un bénévole qui l'accompagne. On a un vrai suivi qui est proposé d'une séance à l'autre avec du coup l'antériorité de ce qui a été fait pendant les précédentes séances et ce que la personne veut voir pendant les séances suivantes. Et puis on est aussi une association qui propose des temps d'échange intergénérationnels. Donc, à peu près tous les 2 mois, on organise des événements. Donc là, le dernier, c'était, on a organisé l'Astro Halloween. Donc, c'était un Halloween en visioconférence avec les bénévoles et les seniors de l'association. Là, pendant le confinement, on met aussi en place des événements qui nous permettent de garder le lien avec toute la communauté en dehors des ateliers, comme la Gazette des Bonnes Nouvelles, qui consiste à envoyer aussi des informations positives à notre communauté par voie postale ou par mail, selon ce que les gens préfèrent. Voilà, on essaye de répondre aussi aux à un besoin de création de liens et de positivité, parce qu'il y a besoin de, de voir les choses avec le sourire. Ouais, comme tu dis, ouais. Et avant de partir ensemble en 2030 glorieuse, j'avais cette intuition que dans les échanges qui se font entre les bénévoles et les seniors, il y a quelque chose qui se passe dans les deux sens. Je me posais notamment la question de comment les seniors réagissent dans l'utilisation de la technologie, comment peut-être certains réflexes peuvent donner des clés aux bénévoles pour peut-être éviter de tomber hein, dans les pièges de la technologie qu'on connaît bien, ou est-ce que en fait ça peut même partir sur quelque chose de complètement différent dans leur histoire, dans leur expérience. Qu'est-ce qu'ils disent vraiment gagner les bénévoles des Astroliens quand ils participent à vos activités? Alors, je pense que ce qui remonte le plus souvent, c'est qu'en fait ils mesurent à quel point il faut faire preuve de patience pour expliquer quelque chose à quelqu'un, notamment sur quelque chose qui nous semble évident. Donc en fait, le fait de devoir reformuler les choses, expliquer plus simplement, ça amène à changer la temporalité dans laquelle ils sont. En fait, comme je le disais, on a des bénévoles qui sont plutôt jeunes, qui sont plutôt dans l'immédiateté. Et le fait de toutes les semaines avoir des questions sur des choses sur lesquelles ils se posent absolument pas de questions dans leur quotidien, ça les amène à ralentir. Il faut qu'ils reformulent. Donc il y a toute cette question du temps et de la patience qui est très forte pendant les ateliers. C'est vraiment ce qui ressort le plus de la part des bénévoles. On a des relations qui se créent entre les bénévoles et les personnes accompagnées qui dépassent le cadre simple des accompagnements numériques. Je sais que, par exemple, on a une bénévole et une senior qui se sont retrouvées à l'opéra ensemble après avoir pris des billets sur Internet pour une session de découverte. Et puis, elles se sont vues régulièrement pendant longtemps, une fois par semaine, parce que elles ont bien accroché. Donc, il y a des liens qui se créent aussi avec des nouvelles personnes, donc des amitiés. Il y a beaucoup de bénévoles qui viennent nous rejoindre parce que à Paris, c'est pas non plus évident de rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont envie de s'engager sur les mêmes sujets, qui ont envie de prendre du temps pour ça. Donc autant au niveau des seniors qu'ils rencontrent que du reste de la communauté, on a un retour assez fort des bénévoles de dire que la communauté astrolien est importante pour eux. Et puis après, sur l'utilisation des outils en elles-mêmes, on a même maintenant des seniors qui ont été accompagnés ou qui ont rejoint l'association, même alors qu'ils avaient 70 ans ou plus, qui sont directement passés en bénévole ou qui sont progressivement passés en bénévole, parce qu'en fait, dans beaucoup de sujets, nos bénévoles sont amenés eux-mêmes à monter en compétences pour pouvoir transmettre. Et donc, ça fait une sorte d'apprentissage en cascade avec des bénévoles qui montrent aussi aux seniors comment est-ce qu'on fait pour aller chercher l'information, comment est-ce qu'ils se sont renseignés, et une fois qu'ils arrivent à faire ensemble, et ben ça permet aussi de partager ces informations-là. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, c'est génial, vraiment. Merci Margot pour ce beau témoignage. Bravo pour le travail que tu fais au quotidien et la dynamique hyper nécessaire que tu as participé à lancer. Vraiment bravo. On referme cette page et cette première partie de notre échange, encore une fois vraiment passionnante. Et avant de voyager vers les utopies réalistes, on va partir ensemble, hein, tu le sais, en 2030 glorieuse. Je souhaite à chaque fois qu'on termine cet échange par un cadeau que l'invité nous fait. Et c'est un cadeau qui nous permet d'ouvrir une fenêtre à travers la littérature. Toi, tu es venu avec un roman qui t'a marqué et un passage particulièrement clé que tu voulais nous partager. Lequel ? J'ai choisi Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. C'était un passage qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais lu la première fois. Mercedes fondit en larmes, le cœur de la femme se brisait au choc des souvenirs. Monte Cristo prit sa main et la baisa respectueusement, mais elle sentit elle-même que ce baiser était sans ardeur, comme celui que le comte eût déposé sur la main de marbre de la statue d'une sainte. Il y a, continua-t-elle, des existences prédestinées, dont une première faute brise tout l'avenir. Je vous croyais mort, j'eusse dû mourir, car à quoi a-t-il servi que j'ai porté éternellement votre deuil dans mon cœur, à faire d'une femme de 39 ans, une femme de 50 ans, voilà tout. À quoi a-t-il servi que seul entre tous, vous ayant reconnu, j'ai seulement sauvé mon fils? Ne devais-je pas aussi sauver l'homme, si coupable qu'il fût, que j'avais accepté pour époux? Cependant, je l'ai laissé mourir. Que dis-je, mon Dieu? J'ai contribué à sa mort par ma lâche insensibilité, par mon mépris, ne me rappelant pas, ne voulant pas me rappeler que c'était pour moi qu'il s'était fait parjurer traître. À quoi sert enfin que j'ai accompagné mon fils jusqu'ici, puisque je l'abandonne, puisque je le laisse partir seul, puisque je le livre à cette terre dévorante d'Afrique? Oh, j'ai été lâche, vous dis-je, j'ai renié mon amour, et comme les renégats, je porte malheur à tout ce qui m'environne. Non, Mercedes, dit Monte Cristo, non, reprenez meilleure opinion de vous-même. Non, vous n'êtes pas une noble et une sainte femme. Et vous m'aviez désarmée par votre douleur, mais derrière moi, invisible, inconnu, irrité, il y avait Dieu, dont je n'étais que le mandataire, et que je n'ai pas voulu retenir la foudre que j'avais lancée. Oh, j'adjure ce Dieu au pied duquel depuis 10 ans je me prosterne chaque jour. J'atteste ce Dieu que je vous avais fait le sacrifice de ma vie, et avec ma vie, celui des projets qui y étaient enchaînés. Mais je le dis avec orgueil, Mercedes. Dieu avait besoin de moi et j'ai vécu. Examinez le passé, examinez le présent. Tâchez de deviner l'avenir et voyez si je ne suis pas l'instrument du Seigneur. Qu'est-ce qui t'a plu dans cet extrait, Margot ? Alors moi, c'est un extrait qui m'avait beaucoup marqué la première fois que je l'avais lu, pour deux passages en particulier. C'est cette question le dernier passage sur la question du libre arbitre m'a beaucoup questionnée sur le fait que c'est si facile dans son quotidien de s'en remettre à Dieu, à l'univers, à autre, je sais pas comment dire, mais de se laisser porter et de remettre entre les mains de chaque individu la possibilité d'avoir un impact. Je trouve que c'est une vérité qui est intemporelle. Ça correspond à plein de choses qu'on peut voir autour de nous. Et tu vois, quand tu m'as proposé, enfin, sur les questions que tu me posais tout à l'heure, des métiers qui existent et de créer sa propre activité, il y a quelque chose qui tient de ça. C'est le libre arbitre, la possibilité de prendre en main son destin, de faire les choses par soi-même, même si des fois on peut faire des choix ou des non-choix qui reflètent pas le meilleur de nous-mêmes. C'est qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour agir? C'est notre capacité de libre arbitre. Ouais, il y a plein d'autres choses qu'on peut dire sur ce passage qui était très riche dans un très beau français. Et à la fois, j'ai envie de t'entendre et qu'on parte ensemble en 2030 glorieuse. Donc, on va le faire tout de suite. Là, ça y est d'ailleurs, on est déjà en 2030 glorieuse, Margot. On vit dans un monde où on a réussi. Contrairement à, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a 10 ans en arrière, en 2020, une époque particulièrement sombre où on avait l'impression que toutes les perspectives, tous les espoirs étaient bouchés et douchés d'ailleurs. On a en fait réussi à inverser la tendance, réussi à remettre le vivant au cœur de notre mode de vie, de notre société, pour dépasser la surconsommation qu'on nous montrait en modèle et en outil pour assouvir son bonheur. Aujourd'hui, on est du coup un peu en précurseur dans ce monde-là, dans ces 2030 glorieuses, et je vais avoir besoin de ton aide puisqu'il va falloir raconter ces caps enthousiasmants à ceux qui nous écoutent et qui sont encore en 2020. On va faire cet exercice d'être donc dans ce futur en parlant au présent, tu vas voir, c'est pas tout le temps évident et à la fois c'est hyper intéressant. Et donc, on se retrouve en 2030. Toi, à l'époque, tu travaillais à recréer du lien intergénérationnel. Où en est ce sujet aujourd'hui en 2030 glorieuse? Ah bah, comme tu le sais, de toute façon, la question intergénérationnelle, c'est devenu un sujet particulièrement important avec toutes les tensions qu'il y a eu au niveau politique autour des années 2000, 2020. On a vraiment eu des sujets forts qui ont tendu la population avec vraiment une résistance au changement et des besoins d'évolution de la société, que ce soit pour prendre des décisions au niveau sociétal, de coopération et de solidarité suite à la grande crise de 2020-2021 après le coronavirus et la relance de l'économie. Heureusement, on a eu des gouvernements qui ont su débander leurs yeux et qui ont su ouvrir leur regard aux urgences à la fois climatiques, sociales et sociétales qu'il y avait autour d'eux et qui ont pris la mesure des engagements qu'il y avait à prendre. Mais on a vu à quel point ça a été difficile de mobiliser toute la population et il a fallu qu'il y ait beaucoup de partage entre des gens qui avaient des vies très différentes. La dimension intergénérationnelle a été importante pour porter la voix aussi de toutes les expérimentations qui ont été faites sur plein de territoires, de choses positives qui avaient été testées depuis déjà une bonne dizaine d'années, hein. Ça fait déjà, même avant 2020, on avait des gens qui avaient monté des éco-villages, on avait des gens qui avaient fait plein de projets pour faire évoluer la société et qui avaient de l'expérience à partager avec le reste du monde. Mais il était important, je pense que ça a vraiment été très fort le fait que les anciennes générations participent enfin à ce mouvement. Ça a été à ce moment-là qu'on a pu vraiment sentir que le vent avait tourné et que c'était pas seulement les anciennes générations qui restaient dans leur modèle et quelques personnes dans les nouvelles générations qui luttaient à contre-courant, mais que vraiment c'était un embrasement généralisé et que tout le monde avait rejoint cet élan positif, parce qu'en fait c'est ça qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure les échanges ont permis de comprendre, de s'approprier cette vision positive d'un lendemain durable et positif pour tous. Et puis ça a beaucoup joué aussi quand on s'est rendu compte que des gens qui étaient peut-être plus isolés auparavant dans les campagnes pouvaient aussi avoir un rôle à jouer dans les familles, que les habitats avec l'augmentation des prix immobiliers, que tout a été bouleversé, les gens sont revenus dans les campagnes et du coup ont eu des habitats plus grands, on a pu remettre en place beaucoup plus d'habitats intergénérationnels et ça a permis de redonner du sens aussi au partage entre générations avec des gens qui avaient de la place pour vivre leur quotidien, mais aussi des endroits pour se regrouper et vivre des choses ensemble. C'était important, je pense, dans ce changement, que ce soit vraiment toute la population qui participe. Ce que tu es en train de dire, c'est que, en fait, là où à une époque, on sentait beaucoup de tensions dans notre société, parce que finalement, on avait réussi à créer des cases presque imperméables, le fait de décloisonner les générations, le fait de refaire communiquer entre elles les classes sociales qui avaient complètement oublié vraiment ce que ça voulait dire d'être ensemble et de reconnaître en l'autre la richesse de la différence, ben, ça a été une force extraordinaire et c'est notamment passé par reconnaître la richesse des seniors, que ce soit non pas vu comme une silver economy qui consomme toujours plus de médicaments, de soins et qui du coup peut dépenser de l'argent, mais au contraire dans leur capacité à prendre soin, à partager, à recommander, à faire vivre aussi à d'autres leur propre expérience pour les aider à grandir, hein, c'est ce que tu dis. Oui, tout à fait. Et puis, on s'est rendu compte de manière assez concrète que mutualiser les richesses, ça permettait aussi de faire des économies drastiques à un moment donné où ça devenait peut-être plus difficile Tu vois, je pense qu'il y a la question un petit peu de ce que chacun peut apporter, de sa revalorisation, mais ça se crée après au niveau de la cellule familiale ou collective, on va dire. Même dans les éco-villages, ça a été un moment important quand les seniors ont été davantage impliqués. Finalement, je ne sais pas si les gens l'auraient fait s'il n'y avait pas eu cette dimension aussi, ou poussée par la nécessité, on s'est retrouvé à revivre ensemble et chacun progressivement retrouve encore aujourd'hui sa place. Est-ce que c'est cette seule nécessité qui a permis de surmonter la peur? Et notamment chez les personnes les plus âgées, on ressentait à l'époque une peur des autres, une peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui a permis de dépasser cette peur? Je pense que c'est le jour où les gens ont compris qu'il y avait un rêve commun possible et réaliste. C'est-à-dire que, tu vois, quand on repense au siècle précédent, tu vois, dans l'objectif, c'était d'avoir toujours plus de richesses, c'était de croître, c'était d'aller conquérir la Lune. tu vois, là, il y a eu une vraie prise de conscience aussi de l'importance du vivant et de chaque entité vivante, et je pense que indirectement, du coup, ça a revalorisé chaque individu, de se rendre compte que chacun avait sa valeur propre. Et donc je pense que c'est quelque chose de très positif qui finalement a permis de dépasser la peur. Si on était resté juste par un changement par les contraintes, on aurait eu encore plus de tensions et peut-être des escalades de violence. Finalement, ça a été très très rapidement contrebalancé, toutes ces éventuelles tensions, par le fait que les gens avaient envie. Ils avaient envie de se regrouper, ils avaient envie de tester, ils avaient envie de voir si les choses étaient possibles. Et puis, il y avait cette dimension un peu enthousiasmante de découvrir quelque chose ensemble, de faire des expérimentations où du coup chacun pouvait participer, chacun avait un rôle à créer et pouvait se donner sa propre mission, toutes les bonnes volontés étaient possibles. Participer à un futur en commun, c'est se remonter les manches et proposer quelque chose à sa portée. Donc finalement, la moindre contribution a été très valorisée. Donc je pense que ça a énormément joué. Et puis, à l'époque de cette crise hein, dont tu parlais tout à l'heure, en 2020, on a aussi senti un désintérêt de plus en plus grand pour le matérialisme. Je crois qu'à ce moment-là, les gens ont senti que ce qui leur permettrait de tenir, ce ne serait pas tout ce qu'ils avaient accumulé chez eux et tous les futurs crédits qu'ils pourraient faire pour continuer à faire tourner la grande roue de la surconsommation, mais qu'au contraire, c'était sans doute une nécessité de réinvestir l'univers du lien à l'autre, l'univers de la résilience par la communauté. Et ça aussi, ça a permis de donner à chacun une envie beaucoup plus grande d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse. Hein. Oui, alors ça a redonné de la valeur à chaque objet, parce que dans ces années-là, je ne sais pas si tu te souviens, mais on était quand même entouré de beaucoup d'objets dans notre quotidien qui finalement avaient peu de valeur marchande, mais avaient aussi peu de valeur au niveau de ce que les individus percevaient. Et en fait, le fait de revenir à une économie plus localisée, à avoir moins d'échanges internationaux, mais qui soient mieux mesurés, qui reprennent aussi leur valeur, hein, et une valeur qui soit partagée dans le monde, ça a apporté en effet plus de richesse au niveau du temps qu'on met à faire les choses, au lieu d'aller acheter, je sais pas, est-ce que tu te souviens pendant les années 2020 avec le coronavirus où tout le monde s'était rué sur le papier toilette, là maintenant on n'y penserait plus, tu vois, les gens ont chacun de leur côté le sens du vivant, ils font pousser dans leur jardin quand ils le peuvent un certain nombre de produits, ils arrivent à produire par eux-mêmes un certain nombre de choses, et tout ça, ça se fait aussi en collectif. Et donc, le fait de faire les choses ensemble, le fait d'être à côté les uns des autres, ça a pris du sens aussi, et ça donne du sens à encore plus de valeur à ce que les gens mangent, à ce qu'ils utilisent et aux denrées qu'ils ont. Je pense que ça a été aussi un grand changement. D'ailleurs, nous, on vivait avec les Australiens déjà avec le numérique, tu vois. C'est pas pareil d'utiliser le numérique tout seul de son côté, sa tablette, son ordinateur chez soi et puis d'avoir quelqu'un à côté de nous qui le fait avec nous et qui nous aide et qui répond à nos questions et avec qui on échange. C'est vraiment des manières de procéder qui sont très différentes, je pense. Et justement, tu parles du numérique. À l'époque, on nous promettait soit du tout noir, soit du tout blanc. C'était soit on allait vers effectivement un monde durable qui est du coup les pieds dans la terre, les mains dans la terre, avec un retour très fort au low-tech en opposition au high-tech. Et d'un autre côté, une science-fiction qui nous montrait une technologie galopante, omniprésente, une humanité ultra connectée en fait. Comment on a réussi à marcher sur une ligne de crête qui fait qu'aujourd'hui, la technologie continue à exister dans notre quotidien, mais pour en fait servir un dessin un peu qui a permis d'une certaine manière de faciliter la nécessité de changer nos habitudes, mais aussi de transcender un peu le savoir de l'humanité. J'entends notamment, j'imagine derrière ça, la capacité à décider ensemble, à coopérer, mais aussi à consolider du savoir hyper important. Il y a des exemples concrets qui te viennent en tête par rapport à ça ? Je pense que c'est important que le numérique non seulement n'ait pas été interrompu dans les évolutions, mais qu'en plus de ça, ça a été vraiment reconnu comme un service public et que ce soit devenu quelque chose d'accessible à tous et intégré dans les impôts comme l'eau. Écoute, moi, je suis quand même assez ravie de voir que les décisions gouvernementales qui avaient été prises à l'époque de plus avoir de zones blanches ont porté leurs fruits, parce que t'imagines aujourd'hui tout ce qu'on fait en termes d'écoles qui sont décentralisées avec des jeunes qui sont en capacité de s'éduquer par eux-mêmes, qui font des recherches sur Internet, qui sont accompagnés du coup par des professeurs qui sont là plus pour veiller à ce que chaque personne soit nourrie dans sa curiosité et progresse selon son rythme, même dans tous les villages ruraux, de voir toutes les dynamiques que le numérique a permis de recréer l'accès à tous les services publics que ça permet d'avoir aujourd'hui, ça participe finalement à la vie dans chaque commune, dans chaque village, dans chaque endroit où il y a aujourd'hui des êtres humains. On continue d'utiliser le numérique et ça a vraiment permis d'avoir des usages très diversifiés et beaucoup plus enthousiasmants que ce qu'on pouvait imaginer à l'époque. Bon, après, bon, évidemment, on voit toujours soit le côté très positif, soit le côté très négatif quand on imagine l'avenir. C'était évident qu'on se situerait à peu près au milieu. Comme tu le disais, la démocratie a été renforcée avec l'utilisation d'Internet depuis que les gens sont régulièrement consultés sur des décisions qui doivent être prises aussi au niveau local et puis au niveau plus national, voire international. Ça permet de réimpliquer les gens dans les politiques. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'imaginait plus en 2020. De se dire que les gens avaient envie de participer aux choix qui étaient faits dans leur ville, dans leur village ou dans le monde, ça relevait vraiment de l'utopie. Et je pense que c'est parce qu'on a réussi à développer des systèmes simples et qui sont accessibles à tous qu'on en arrive là aujourd'hui. Et vraiment, on a une belle représentativité de gens qui utilisent ces outils-là et qui le font dans un sens qui continue de porter la suite, j'espère, parce que là, on n'en est qu'au début des 2030 Glorieuses. Donc, pour les prochaines années, moi, je suis très, très enthousiaste. Toi, Margot, tu fais quoi en 2030 Glorieuses ? Eh bien, du coup, moi, je participe à plein de choses différentes. J'ai continué de développer les astroliens. Alors, sur les 10 dernières années, on avait déjà commencé à structurer notre méthodologie pour la partager avec un maximum de structures qui voulaient mettre en place des accompagnements numériques auprès des seniors. Et en fait, on s'est progressivement orienté vers l'animation de communautés locales d'entraide numérique, ce qui a permis de redynamiser des territoires en ayant parfois des lieux avec des personnes qui pouvaient venir se déplacer pour s'entraider. On centralisait aussi beaucoup de questionnements qu'on faisait remonter au gouvernement ou aux structures qui pouvaient permettre de solutionner les difficultés qui étaient rencontrées localement. Aujourd'hui, on continue d'avoir ce rôle-là. Moi, je suis moins impliquée dans le projet aujourd'hui et puis j'en profite pour faire plusieurs choses en parallèle, enfin, comme la plupart des gens aujourd'hui, j'ai plusieurs activités. Donc, cette activité qui continue de me prendre peut-être un quart de mon temps. Et puis après, j'ai évidemment ma vie de famille et ma vie personnelle qui prend du temps. Le temps que je passe à développer la vie locale, puisque maintenant chaque personne a un temps obligatoire à dédier à la vie locale à laquelle il participe. Donc ça peut être dans un village, ça peut être dans sa commune selon le rayonnement auquel il veut participer. Mais donc ça me prend aussi à peu près un quart de mon temps. Et puis, j'ai continué de développer mon attrait pour l'improvisation théâtrale. Donc je participe aussi sur le dernier quart de mon temps à faire rire les gens. On a un bus itinérant qui nous permet de nous déplacer avec la troupe et de jouer. Voilà. Bravo pour toutes ces perspectives hyper enthousiasmantes, Margot. La route, elle est à la fois très longue et très courte avant 2030 Glorieuse, et j'aimerais que tu proposes un premier pas pour cheminer dans le sens des utopies réalistes qu'on a dessinées ensemble à celles et ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu leur suggérerais pour commencer à passer à l'action? Alors, de mon expérience de ces dernières années, moi j'ai pris conscience que, enfin, je venais pas du tout de ce monde-là à la base, le monde associatif, et en fait j'en avais une vision très opaque. Et donc je conseille à toutes celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait de découvrir des actions de bénévolat près de chez vous. On a parlé au début de notre échange du fait qu'on peut avoir un emploi qui soit différent et qui ait plus de sens parce que ça représente aussi une grande partie du temps qu'on a disponible. Mais j'aimerais tempérer ça aussi en disant que vous pouvez avoir un emploi et avoir d'autres activités à côté et de démarrer peut-être en donnant un petit peu de votre temps à du bénévolat de la même manière que vous pouvez donner du temps au fait de faire du sport, au fait d'avoir des activités de musique ou artistique ou autre, et ben c'est aussi participer de manière très concrète parce que c'est quelque chose que j'observe beaucoup, c'est que les gens ont besoin de se sentir utiles et de voir que les actions qu'ils ont un impact. Vraiment, il y a énormément d'associations. En ce moment, je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, mais il y a un vrai besoin. Ne serait-ce que auprès des banques alimentaires, auprès de la Croix-Rouge, toutes ces activités qui, en ce moment, ont un besoin cruel de gens qui s'impliquent en direct auprès des bénéficiaires. Nous-mêmes, on propose à celles et ceux qui veulent découvrir le bénévolat de se former et d'intervenir pour accompagner à distance des seniors pendant la période du confinement. Vraiment, il y a encore beaucoup, beaucoup de possibilités d'agir dans le monde qui nous entoure. Donc, pour celles et ceux qui n'auraient pas fait ce premier pas, ça serait mon premier conseil. Et en ce moment, moi, je réfléchis beaucoup à quelque chose sur lequel je ne sais pas encore par quelle bout le prendre, mais je vais peut-être aussi profiter des avis des uns et des autres. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet sur le fait de réinvestir la politique, parce qu'en fait, on n'arrive pas à faire entendre notre voix, mais on n'est pas non plus très impliqués. Donc, c'est difficile de trouver des partis qui représentent le monde qu'on a envie de voir pour demain, mais on arrivera à faire bouger les lignes que en impulsant ces utopies positives dont tu parles à ces niveaux-là aussi, parce qu'il faut que le gouvernement fasse passer des lois qui vont dans ce sens-là, et il faut qu'on arrive à faire en sorte de faire entendre notre voix au-delà de nos échanges, j'ai envie de dire, entre nous, gens qui avons envie d'œuvrer pour un monde meilleur. Voilà. Merci Margot. Bah, merci à toi. Et voilà, cet échange avec Margot Dufault, la fondatrice des Astroliens, vient de se terminer. Je savais que ça allait être très riche, très dense, et je ne me suis pas trompé. J'espère que, comme moi, vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir le travail de Margot et des Astroliens et de tous les bénévoles qui vont auprès des seniors pour les aider à reprendre le train du numérique. C'est vraiment un travail essentiel. Mais au-delà de ça, je crois vraiment que derrière nos échanges, et ça a beaucoup transpiré à tous les moments où Margot prenait la parole, il y a vraiment l'urgence de voir l'intergénérationnel comme un levier clé sur lequel il va falloir appuyer pour en fait aussi aller vers cette société durable et solidaire de demain. On ne peut pas se passer de la transformation de nos rapports entre générations et notamment vis-à-vis des seniors. J'en dis pas plus parce que c'était déjà un échange très riche. Je vous dis juste à très vite pour le prochain épisode de 2030 Glorieuse et passez une excellente journée. Salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !